On m'a dit, bon, c'est, tu vas fêter 50 ans de carrière. Mais j'y pense pas, je ne focalise pas. Je suis ravie de les fêter sur la scène de l'Olympia et après de faire une tournée en France, en Suisse et en Belgique. Mais la Belgique, de merveilleux souvenirs parce que je me souviens de l'ancienne Belgique, c'était extraordinaire. Là, je me produis le 2 novembre au Cirque Royal. Mais j'ai de merveilleux souvenirs parce que quand j'ai commencé en Belgique, après, vous me dites si j'ai bien répondu à votre question, mais comme j'ai l'opportunité de parler à la Belgique, évidemment, j'habitais, quand j'ai débuté, j'habitais à l'hôtel L'Amigo, en Belgique, et je me souviens que, bon, j'étais enlevée de rideau, je chantais que 2-3 chansons, à juste titre, c'est normal, puisque je débutais, et il y avait à l'hôtel L'Amigo, un monsieur que, vraiment, que j'admirais, qui était monsieur Mirti, qui était le barman de l'hôtel. Mais comme il disait, parfois je ne faisais rien, il me disait, ma petite Mireille, je m'occupe d'œuvres de charité, voulez-vous m'accompagner voir des enfants handicapés, pouvez-vous chanter avec lui? Alors je suis allée, évidemment, que j'étais très émue de voir tous ces enfants. Et après, évidemment, j'ai beaucoup voyagé, et chaque fois, où que je sois dans le monde, j'envoyais des cartes à M. Myrtille. Et évidemment que je fais beaucoup de voyages. Et un jour, je retourne en Belgique et je demande, oui, monsieur Merci, on me dit, il n'est plus de ce monde. Mais je dis, mais enfin, je ne sais pas, mes cartes que j'ai envoyées, on m'avait dit, mais elle me dit, un monsieur m'a dit, c'est moi qui le reçois, je reçois les cartes de monsieur Merci, voilà. Et je continue quand même à envoyer mes cartes. Voilà. Ça s'appelle les enfants handicapés, les petites abeilles. Je ne sais pas si ça existe toujours ou si ça a changé de nom, j'avoue, je ne sais pas. Voilà, alors évidemment, je suis heureuse de fêter mes 50 ans sur la scène de l'Olympia et une tournée. Vous avez écrit un titre qui est totalement inédit, qui s'appelle « Prends le temps ». Oui. Vous arrivez encore à le prendre, le temps, malgré ce tourbillon. Juste dans ce tourbillon, oui, de prendre le temps. Là, je vais raconter l'histoire de cette chanson. Oui. C'est-à-dire que, bon, comme tout le monde, enfin, je ne sais pas ce que tout le monde, mais moi, je chante, quand je prends ma douche, je chante et j'invente des mélodies. Par contre, je suis tout à fait néophyte, point de vue musique, je ne connais pas la musique. Alors donc, je me suis enregistrée et mon pianiste a retranscrit ce que j'avais donc chanté. Et un jour, j'achante d'être très aimée aussi en Allemagne. Il y a deux pays où je suis très très aimée, qui est l'Allemagne et la Russie. Et donc, il manquait un titre pour l'Allemagne. Et donc, ils ont écrit, le compositeur a écrit, donc lui en allemand, c'était Immer wieder, qui signifie toujours continuellement le titre. Et j'ai dit, mais j'aimerais bien le faire en français. Et j'ai essayé, c'est pas facile d'écrire, hein, tant d'inventer la musique. Oui, mais c'est vraiment quelque chose de difficile parce que je voulais vraiment que ce soit pas comme l'allemand. Et j'ai eu comme parrain et conseiller Claude Lemel. Je sais pas si vous connaissez Claude Lemel qui a écrit tous les grands tubes, entre autres de Joe Dassin, beaucoup. Hein. Je lui ai dit, est-ce que ça va? Il m'a dit, très bien, ça va. Donc j'ai dit, bon, j'ai ton aval, ça va. Oui, en ce qui concerne prendre du temps, vous étiez sur l'émission Télédimanche, le 21 novembre 65. Un mois après, vous étiez déjà dans l'Olympia avec un concert. Oui. Pour un artiste, c'est très vite. Donc j'ai commencé le 21 novembre 1965. Mm-hmm. Mon manager immédiatement m'a dit, Mireille, tu vas partir en tournée, parce qu'il avait d'autres artistes, de tournée de Hugo Frey et France Gall, enlevé de rideau, ce qui était tout à fait normal, j'ai débuté. Mmh. Où j'ai pu me familiariser avec la scène. Parce que je pense que maintenant, les chanteurs qui font des radios crochets là, sont propulsés sur scène et n'ont pas le temps d'apprendre. Ils font peut-être un disque, mais quand on fait un tour de chant, c'est... Avant, anglaise, c'était, on disait anglaise ou américaine, et puis c'était 10 ou 12 chansons. Là, ils n'ont pas le temps de pouvoir s'étaler, de pouvoir s'exprimer, puisqu'ils font un premier disque. Et puis après, donc, ils font des reprises. Tandis que là, je suis partie enlever de rideau. Après, je suis partie aux États-Unis faire le plus grand show américain, Ed Sullivan Show. Et j'ai un disque sous la houlette de Paul Moria, parce que mon manager Johnny Stark, je ne peux pas ne pas évoquer Johnny Stark parce que c'est lui qui m'a créé, façonné, a demandé à un des plus grands chefs d'orchestre qui était Paul Maria, qui s'occupait à l'époque de Charles Aznavour. Il lui a dit, écoute, je te donne ce que tu veux, mais tu vas t'occuper d'une personne qui est Mireille Mathieu. Ce qu'il a fait, de A à Z, point de vue musical. Et tout le temps, il a même acheté un appartement à côté du mien pour qu'on puisse en travailler 24 heures sur 24, tout le temps. Donc, vous voyez, j'ai retourné comme à l'école pour tout. J'ai dû comment pouvoir rencontrer des personnes, comment m'exprimer, comment me mouvoir sur scène. Donc, après, mais j'ai monté comme ça en grade, comme on faisait avant. Je n'ai pas été propulsée immédiatement en tour de chant pour pouvoir, parce que c'est impossible, on n'a pas un tour du chant suffisant. Parce que quand j'ai fait mon lever de rideau à l'Olympia avec Sacha Distel, je n'avais pas encore mon propre répertoire, j'ai chanté des chansons de Piaf. Parce que tout a commencé pour moi au jeu de la chance, en interprétant ses propres, les chansons d'Edith Piaf. Donc immédiatement, et après il a fallu m'habiller sur mesure, ce qu'a écrit Paul Maria, mon credo, et Francis Lay qui a écrit ce ton nom. On parle justement de 50 ans de carrière, un album best-of qui s'appelle Une vie d'amour. Justement, ça résume la vie de Mireille Mathieu, c'est vraiment une vie d'amour. Oui, entre le public et moi, tout à fait. Le public m'a de suite, c'est un triple CD. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de l'écouter. C'est un triple CD où il y a des inédits, il y a des chansons de Francis Lay, des chansons dans plusieurs langues, et puis les deux chansons que vous avez soulignées que j'ai écrites. Hein, que j'ai écrit. Donc c'est vraiment ce triple CD, quelque chose qui est vraiment une histoire d'amour entre le public et moi, je pense. J'ai quitté l'école à l'âge de 13 ans et demi, parce que je n'aimais pas l'école, je n'étais pas douée. J'ai souhaité travailler dans une usine. Donc ma sœur Mathilde, qui est mon manager, qui s'occupe de moi, nous avons travaillé toutes les deux dans une manufacture d'enveloppes pour amener un peu d'argent à la maison. Et donc quand j'étais propulsée, moi, au jeu de la chance, d'abord j'ai auditionné et on m'a dit on vous rappellera. Et je suis retournée, j'ai demandé la permission à mon patron de venir auditionner à Paris, de monter à Paris comme on dit. Et on vous rappellera. Et entre-temps, après quand je suis redescendue, ça allait. Et après mon entre-temps, mon usine d'enveloppe a fait faillite. Et tout a commencé, donc j'ai été invitée au jeu de la chance. Donc, moi, c'est la mairie d'Avignon qui a payé mon billet, qui a écrit, parce qu'il faut vous dire que avant que je fasse le jeu de la chance, j'avais fait un radio-crochet dans les quartiers d'Avignon. J'en ai fait trois fois. La première fois, j'étais très mauvaise. La deuxième fois, j'étais mieux. La troisième fois, j'ai gagné. Donc, quand j'ai rencontré mon manager la deuxième fois, c'était une émission, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est une émission de sport, en direct. Alors, il y avait du sport, il y avait un chanteur confirmé, et puis il y avait cinq chanteurs amateurs, dont je faisais partie, et on était plébiscité par le public, c'est-à-dire que le public appelait en direct, on souhaite que telle personne, parmi les cinq, revienne, ce qui a été mon cas. Et la deuxième fois, j'ai rencontré mon manager, qui m'a dit, mademoiselle, vous voulez que je m'occupe de vous? J'ai dit, oui, monsieur. Et je dois dire que j'ai rencontré un personnage assez atypique. C'est-à-dire que moi, venant de Provence, ayant une autre vie, pas du tout. C'était un style, lui, physiquement, je ne sais pas si vous avez vu des photos, un peu cow-boy, très imposant. Et j'ai dit, oui, monsieur. Il m'a dit, mais ça va être très difficile. Il avait raison, c'était plus que difficile. Donc j'ai dû tout apprendre parce qu'on m'a trouvé un look. Au début, donc, j'ai eu un couturier qui était un Arlésien qui s'appelait Louis Ferraud. Un coiffeur qui s'appelait Jean-Louis Elrold. Qui lui, au début, je ne sais pas, vous vous souvenez, j'avais des pattes, des grosses pattes, des cheveux plus courts. Et cette coiffure, ce sont Mesdemoiselles Carita. Donc évidemment, il m'a donné tout ce qu'il fallait de mieux pour moi, dans le sens que j'ai eu des professeurs de maintien, j'ai eu des professeurs pour pouvoir m'exprimer, parce que quand j'ai débuté, venant d'Avignon, j'ignorais le monde des journalistes, et quand je me suis retrouvée faire des journalistes plus ou moins bienveillants à mon égard, j'étais complètement paniquée et intimidée. Donc il a fallu me familiariser, mais aussi quand j'étais sur scène, Johnny Stark me filmait, pour pouvoir voir ce qu'il fallait que je corrige. Vous savez, ce qui est dans ce métier, qui est bien, c'est jamais la même chose et c'est jamais fini. C'est jamais... C'est ça qui est bien. Alors donc, c'est ce que j'appelle façonner, parce qu'il me disait, regarde-toi, c'est pas bien, regarde ce que tu fais. J'étais un homme extrêmement difficile, très dur. Des fois, je pleurais parce qu'il était très dur. Mais je la remercie. Hein. Donc, vous avez commencé ce métier très tôt, et oui. Avec Johnny Stark. Est-ce que vous étiez très, très protégée par lui Oui, c'est-à-dire qu'au début, oui, tout à fait. C'était comme une muraille, si tu veux, me protéger. Il était tout à fait... Je n'avais qu'à m'occuper de chanter, c'est tout, ou de rencontrer des journalistes, ou de faire... Mais autrement, il me protégeait beaucoup, tout à fait. Vous n'avez jamais eu l'impression d'être étouffée? Non, pas du tout. À côté de la... C'était un conte de fées que je vivais. Ouais. Je me souviens que le lendemain du jeu de la chance, j'avais la une des journaux, le conte de fées de Mireille Mathieu. C'est vrai que ce qui m'est arrivé est un conte de fées. Je suis l'aînée de 14 enfants. Mon papa était tailleur de pierre. Et ça a beaucoup touché le public... Et moi qui parcours le monde, souvent, je sais que le public, je suis petite, peut-être aussi par ma taille, par ma voix, ou par mon histoire, le public est touché par ça. Souvent, on me pose la question, pourquoi vous êtes... Alors, je pense que, je dis souvent, j'ai eu la chance de travailler avec un grand auteur qui était Eddy Marnay. Un jour, il m'a dit, Mireille, Beethoven disait, chante ton clocher et tu feras chanter le monde. Je pense qu'il avait raison. Ce qui est important, c'est de chanter, d'être authentique et d'être fier de ses racines et de rester soi-même. Parce que chez nous, quand je vois des radios crochets, enfin, on appelle des radios crochets, comme Star Academy, Nouvelle Star, ce qui me navre un peu, c'est que les chanteurs, avant tout, chantent d'abord en anglais. Je crois que c'est important d'avoir de chanter en français. On a de grands auteurs, on a de grandes chansons françaises. Moi, j'adore, vous venez d'un pays qui est merveilleux, où il y a Monsieur Brel, qui est un des plus grands. Tout le monde ne peut pas interpréter Monsieur Brel, je suis d'accord. Mais bon, c'est extraordinaire quand même. On a un tel vivier de grandes chansons françaises. Je voyage beaucoup, je fais le tour du monde, là je rentre de Russie. Je pense que, en tant que Française, j'ai parlé beaucoup avec des journalistes, je disais, mais j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte en France comme la chanson française est appréciée, que la France est appréciée, est aimée. On ne le voit pas assez. Par exemple, en Allemagne, je pourrais très bien faire... Ça fait depuis 40 ans que je suis en Allemagne, que je fais des disques en Allemagne. Je pourrais faire tout mon tour de chant, si je voulais, en langue allemande. Non, le public allemand sait que je suis française, il m'aime bien chanter en français. Mais je pourrais très bien, si je voulais. Et je ne le fais pas, parce que bon... J'ai la chance d'être très aimée en Allemagne, et très aimée en Russie. Je parcours le monde. Et puisque vous êtes belge, et que j'ai fait beaucoup d'interviews, le chanteur qu'on m'a souligné est Stromae. Alors, j'ai dit, oui, là, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je ne connais pas, moi j'arrive de voyage, des fois j'apprends des choses parce que c'est pas la même optique quand je voyage très très loin, mais je pense que c'est un génie, qui est quelqu'un qui ira très très loin, qui l'a très bien compris ce métier. Il s'est mis en scène, on sent qu'il s'est créé, il s'est créé un personnage, il s'habille lui-même, il sait ce qu'il va et c'est super, vraiment c'est super. Et il y a aussi un que je voudrais souligner, parce que je sais qu'il m'aime beaucoup, qui est Arnaud, qui est un chanteur. Alors Arnaud, quand on parle de moi, je sais, alors vraiment qu'Arnaud est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent et souhaiterait qu'on fasse un duo ensemble, je sais. Arnaud est quelqu'un qui est très... C'est de l'ordre du possible, un duo avec Arnaud? Peut-être, pourquoi pas un jour, je dis, pas pour le moment, parce que là, alors je dois dire que je fais l'Olympia, j'ai fait une tournée donc en France, en Belgique et en Suisse. Après, je vais donc en Allemagne pour un show de Noël. Après, je fais une tournée, je vais en Russie pour un show de russe, pour la Russie. Et l'année prochaine, je fais une grande tournée en Allemagne et une grande tournée en Russie. Donc, j'ai tellement de choses, parce que quand je vais dans chaque pays, vous voyez, je vais profiter de ma tournée pour apprendre mes textes allemands que je dois travailler pour l'Allemagne. Donc, vous voyez, ça passe. Et puis, en même temps, je dois avoir une très grande discipline, parce que je ne peux pas me permettre, quand je chante, j'ai besoin d'avoir un laps de sommeil, un laps de... J'ai une grande discipline aussi... une hygiène de vie, c'est-à-dire que je fais très attention, je suis petite, je mesure 1m53, donc en ce qui me concerne, je mange beaucoup de légumes, de poissons, je fais très attention, je ne fume pas, je n'ai pas de... J'étais une des premières chanteuses à me produire quand c'était l'URSS, donc en 1967. C'était l'Olympia, nous étions 100 personnes. Bruno Coquatrix entretenait des rapports très, très affectueux, amicaux avec la Russie, à l'époque à l'URSS. Donc c'était l'Olympia. Comme c'était l'Olympia, il y avait 100 musiciens, donc c'était Paul Maya qui dirigeait, qui était très aimé en URSS. Et il y avait, en première partie, comme on faisait avant, un illusionniste. Il y avait Michel Delpech qui était donc en première partie. Il y avait des danseurs. Moi, je faisais la seconde partie. Donc, et j'étais la seule aussi à aller aussi loin, dans le sens que j'ai fait Moscou, à l'époque, Leningrad et Kazan. Et le public russe ne m'a jamais oubliée. Jamais oubliée. C'est un peuple qui est très pauvre, qui à l'époque était très très pauvre, et qui m'offrait ce qu'ils avaient. Parfois, c'était très cher pour eux. Et en Allemagne, c'est la même chose. En Allemagne, j'ai aussi, en 67, je chantais d'abord en français, et j'étais de suite adoptée par le public allemand. Et j'ai la chance aussi d'avoir été très aimée par un grand monsieur de la presse, qui était le sénateur Franz Burda. Monsieur Burda, c'était le propriétaire de Bunte, tous les grands magazines allemands. Je me souviens d'une très grande soirée, c'était au Bayerischerhof, et dans cette soirée, il y avait toute l'élite allemande et tous des grands chanteurs étrangers. Il y avait les Suprêmes, la Fitzgerald, on était plusieurs. Et mon manager a dit, qui débutait, mais était très audacieux, mon manager, dit, c'est Mireille qui finira le spectacle. Ah bon? Oui, oui, oui. Ils ont dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, je chantais trois chansons. J'interprétais mes propres chansons, par contre. Donc, Mon Credo, une autre, et Paris en colère. Mon chef d'orchestre dit, Paul, tu penses qu'ici, Paris en colère, c'est bien? Si, c'est très, très bien, c'est très, très bien. Et donc, je me souviendrai toujours, je descends très lentement les escaliers et je chante Mon Credo. Et je finis par Paris en colère et je fais « Que l'on touche à la liberté !» Et j'ai reçu 1,53 m de fleurs, c'était extraordinaire. Le lendemain, on parlait que de moi. Donc, je chantais d'abord en français. Et puis je me suis aperçue que ce public allemand était c'était un très très grand, aussi un public aussi extraordinaire. J'ai souhaité chanter dans la langue allemande et mon premier disque que j'enregistrais à Berlin. J'adore cette ville. C'est une des plus belles villes que je connaisse. Et j'enregistrais à Berlin à l'époque où il y avait le mur. Il y avait un grand studio et mon premier disque était Hinter den Kulissen von Paris, derrière les coulisses de Paris. Et voilà. Et après, ça fait presque depuis 40 ans que je fais de l'allemand, que je chante en langue allemande. Je chante aussi un peu en russe aussi. Je chante dans 9 langues. Quand je vais dans un pays, je sais que le public, je ne sais pas vous, mais quand vous voyez un public étranger, un artiste étranger qui vient et qui essaie de parler dans la langue du pays, même s'il a un accent, je trouve que c'est adorable, que c'est touchant et qu'il fait l'effort. Moi, j'essaie de parler et de chanter dans la langue du pays, puis ce sont des grandes chansons. C'est quand je chante au Ticiornie, au Pon Mosco Nievecera, Pon Mosco Nievecera et le temps de Muguet pour nous en France. Je chante ou je chante sur un hymne de Moscou. En plus, je suis marraine. Chaque année, je suis marraine, c'est sur la Place Rouge, du Festival des musiques militaires du monde entier. Il y a eu la Belgique qui est venue. Cette année, il y avait le Mexique, la Suisse, la Serbie, l'Italie, c'était... Donc chaque année, il y a tous les pays du monde et c'est extraordinaire parce que c'est des musiques différentes, militaires, et je trouve que la musique, quelle qu'elle soit, ça fait passer des messages extraordinaires. L'Amérique du Sud, je le fais, mais l'Australie, j'ai jamais été aussi loin. Un jour, on m'avait demandé, ça n'a pas pu se faire. Et en plus, je dois vous dire que j'ai peur en avion. Mais bon, j'aime voyager. Alors, j'aime voyager, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est très, très loin, très loin. Mais c'est un pays magnifique, paraît-il. 50 ans, enfin, c'est un anniversaire. En l'occurrence, l'anniversaire, c'est l'occasion de regarder en arrière ce qu'on a fait. C'est aussi l'occasion de se projeter un petit peu en avant. Moi, je me projette en avant. Il y a la tournée qui arrive. Et puis après, est-ce que vous avez déjà pensé ou C'est-à-dire que, bon, j'ai la tournée après donc, les villes françaises, que je n'ai pas fait depuis 2005. Je vais chez moi en Avignon, 2 jours. Et puis après, donc, immédiatement, je vous ai dit, pendant la tournée, je vais apprendre des textes allemands pour chanter pour le show allemand. Et puis après aussi, je rentre, quand j'ai fini ma tournée, je pars sur la Russie pour faire un show de Noël en Russie. Et après ma tournée en Allemagne. Et je vais avoir pendant l'Olympiade des journalistes allemands qui vont venir, que je vais rencontrer pour préparer ma tournée, pour parler de ma tournée en Allemagne. Et après ma tournée en Russie qui va m'amener très très loin parce que c'est le pays le plus vaste du monde. Donc je vais juste à Vladivostok, très très loin. C'est un pays à qui vous avez l'air d'avoir un lien terriblement, parce que dans chaque réponse, je crois que vous avez parlé de la Russie. Oui, j'ai beaucoup. Oui, j'ai beaucoup. Non, j'aime tous les pays. Parce que... pays ou sa culture, hein, je veux dire. Il y a une très grande histoire entre la Russie et la France. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux pays. Enfin, je veux dire, quand je parle, l'autre fois, je faisais une tournée, et j'étais donc dans les pays baltes, j'étais à Riga. Et c'était la francophonie. Donc j'ai dû prononcer un discours devant 100 journalistes de tous les pays. Et donc il y avait de parler de la francophonie. La Belgique fait partie de la francophonie. Donc évidemment, j'ai parlé de la Belgique, j'ai parlé de la Suisse. Et il y avait tous les représentants de chaque pays qui faisaient partie. Donc ne veillez pas dans mes propos, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, puisque vous me dites que vous parlez que de la Russie. Non, beaucoup, Beaucoup. Donc je voulais vous dire que quand c'était à l'ambassade de France, l'ambassadeur nous a accueillis avec tous les journalistes à Riga. Et là aussi, j'apprends des mots. Je peux vous dire qu'en Lettonie, merci, c'est paldies. Je vous aime, c'est esjumilo. Vous voyez que j'apprends chaque fois quand je vais dans un endroit, je dis quelques mots que le public, et ça les fait sourire ou ça les touche. Et alors, donc, voilà, mais vous savez, mon pays me permet la chance de vivre de ma passion et de profiter, de savourer chaque instant des personnes que je rencontre, de cultures différentes, de niveaux de couches différentes aussi, tout à fait. Et vous pouvez tout à fait avoir des liens d'admiration avec des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont peut-être pas les mêmes opinions aussi, sur des choses. Vous savez, quand je vois des gens, quand je rencontre des gens, je leur demande pas leur niveau, je ne parle pas de politique parce que ce n'est pas mon domaine, et que avant tout, c'est la chanson, et que par contre, on peut avoir un échange avec d'autres artistes. Sur le plan, j'ai fait tellement des duos, quand j'ai fait les shows des Carpentiers, des duos extraordinaires avec... Et là, c'est aussi très enrichissant, gratifiant, quand j'ai fait des duos avec Rolio Iglesias, Placido Domingo, j'ai fait avec Placido le grand échiquier, mais j'ai aussi fait avec lui au Mexique un grand show qui s'appelait Cri-Cri. On tournait d'abord en langue espagnole, en langue anglaise, et ça a été après doublé à New York en langue française. Je travaillais plus de 20 heures par jour, je ne voyais jamais le jour, parce que j'ai dû, comme on tournait en espagnol, donc à parfaire mon espagnol. Donc, c'était vraiment hôtel, le studio de télévision, on tournait, je dormais très peu, on arrivait 4-5 heures du matin, je dormais 3-4 heures, le lendemain se lever, se préparer, les cheveux, déjeuner, et on avait 2-3 heures de route. Ça, c'est formidable, parce que ça, on côtoie d'autres artistes, et c'est très enrichissant. Le monde politique, non, et quand je côtoie des gens qui est mon public, que je vois, ils viennent vers moi parce qu'ils m'offrent ce qui est de plus beau. Pour eux, c'est une fleur, quel que soit le pays, c'est parfois très extrêmement cher. Je suis consciente de ça, tout à fait. Vous côtoyez les puissants aussi, il n'y a pas que le public. Je veux dire, à votre niveau de notoriété, vous côtoyez les dirigeants. C'est plutôt, oui, je les côtoie parce qu'ils viennent me voir. Ouais. Parce que je ne suis pas dans le monde politique, et ces personnes que je côtoie représentent un grand pays, quel que soit le pays. Et j'ai du respect pour le public que j'ai l'opportunité de voir. Sur l'album, je pense qu'il y a un morceau qui est écrit, c'est Icar, c'est ça, hein? Oui, ah, vous avez bien fait, parce que j'avais omis de le dire, qui lui est issu aussi, Icar, de la Nouvelle Star. Ouais. Et je l'avais vu d'ailleurs moi aussi. Et alors quand mon chef d'orchestre m'a écrit cette chanson, j'avais entendu le CD d'Icar Sor, qui est superbe, qui est vraiment chez nous, je ne sais pas en Belgique, mais chez nous il a cartonné. Et il y avait un son, il était super vraiment. Et je dis, mais c'est ça qu'il me faut. J'ai appelé Icar, et nous avons la chance d'avoir la même maison de disques. Et j'ai appelé Icar au téléphone. Et j'ai eu quelqu'un de délicieux. Je n'ai pas vu, je vais tout à l'heure le voir pour la première fois physiquement. J'ai eu quelqu'un de délicieux, qui est talentueux, qui n'est pas prétentieux, qui est généreux. Quand on travaillait, je demandais de changer des noms, disponible. Vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec lui, vraiment. C'est quelque chose. Vraiment, j'ai été ravie de travailler avec lui. Et j'espère que j'aurai l'opportunité de travailler beaucoup plus avec lui. Vous êtes toujours entre deux voyages, deux concerts, deux avions. Est-ce que par moment, vous trouvez du temps pour poser vos valises et avoir du temps à vous ? Oui. Quand je voyage, j'essaie d'arriver parce que, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais disciplinée. J'essaie, selon mes voyages, c'est parfois très loin, de partir 3-4 jours avant par au décalage horaire, parce que souvent quand j'arrive j'ai des conférences de presse, ou alors selon si c'est très loin je mets les conférences presse 2 jours ou 3 jours après, et de pouvoir récupérer. Et puis bon, ça va très bien parce qu'après même je vais c'est toujours après théâtre hôtel, donc j'essaie dans la mesure. Pour la première fois que j'étais invitée par le gouvernement chinois, alors c'était donc on a pu établir un emploi du temps pour que je puisse visiter la muraille de Chine. Et comme j'étais invitée par le gouvernement chinois, évidemment, j'ai rencontré des ministres, j'ai dîné avec des ministres, le maire de Pékin à ce temps-là. Évidemment, là, mon métier va un peu plus loin que mon métier de chanteuse. Mais j'étais invitée aussi par ce grand pays qu'est la Chine. Et qu'il faut savoir, c'est un grand pays, que tout est symbole. La Chine, c'est très important pour eux, les symboles. Mais la personne qui m'avait enseigné le chinois, parce que j'ai chanté en chinois et parlé un peu en chinois, j'avais souhaité qu'elle me dise us et coutumes de chaque pays, parce que c'est important de savoir us et coutumes de chaque pays pour ne pas froisser le pays si on fait des choses, malgré que moi je suis dans mon humble domaine qu'est la chanson, mais je souhaite savoir us et coutumes de chaque pays. Je pense que c'est important. Quand je suis chez moi, avant j'aimais bien aller chez antiquaires, mais évidemment quand on me voit on a tendance à doubler les prix, alors donc j'y vais beaucoup moins. Et je regarde la télévision, j'aime beaucoup les jeux. Alors je ne sais pas si vous connaissez, alors quand ma maman voyage avec moi, ma maman elle a élevé ses 14 enfants, alors elle adore voyager. Et alors quand on regarde la télévision, je vois la Belgique, parce que quand je vois Télé Saint-Monde, on voit la Belgique. Et alors on voit le journal télévisé belge, on regarde sur la télévision. Alors quand je suis chez moi, pour répondre à votre question, moi j'adore apprendre. Moi je pense qu'on a toujours à apprendre. Et alors je regarde Money Drop, Question pour un champion, tous les jeux, moi j'aime énormément. Et je trouve aussi qu'on a de très bonnes séries françaises. Parfois aussi tendance à imiter aussi tout ce qui est anglo-saxon, mais je trouve qu'on a on a de très bonnes séries que je regarde quand je suis en France, qui sont très très bien faites, très bien. Arditi, vous savez, sur la 3, il est œnologue, et donc il arrive à découvrir des crimes dans les vignes. Vous avez la réputation de traverser les générations en restant tout le temps la même, en étant toujours authentique, et surtout physiquement, votre image est assez. Vous parliez tout à l'heure d'être façonnée au niveau de la coiffure, du maquillage, de vos habits. Oui. Vous êtes restée fidèle à cette image première, oui, qu'on vous avait donnée, et vous avez réussi à la conserver. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de traverser les âges en restant la même? Alors c'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question, et je vais peut-être avoir la même réponse pour toi. Mais non, mais vous avez raison. Je pense qu'on ne peut ne pas aimer. Je sais que quand j'ai fait les shows des Carpentiers, tout à l'heure je parlais des shows des Carpentiers, j'ai eu l'opportunité, je faisais des génériques ou changeais de tête. Un jour, j'ai changé un peu de coiffure et mes fans m'ont dit « Mais non, on te préfère avec cette coiffure. » Donc, j'étais fidèle à mes fans et je suis bien. Si c'est vrai, quand on m'imite avec cette coiffure-là ou on m'imite avec la voix. L'autre fois, je regardais un show allemand et c'était un show et la personne disait « C'est une émission américaine, un concept américain et qui doivent imiter chaque artiste. » En l'occurrence, c'était moi à ce moment-là. Mireille Mathieu, donc, elle était habillée comme moi, coiffée comme moi, de loin, c'est vrai qu'on dirait que c'était moi. Et donc, mais moi, au contraire, ça me fait plaisir. Quand je vais dans des... Tout à l'heure, je parle de l'Allemagne, j'ai plein de personnes qui sont coiffées comme moi. Beaucoup, beaucoup. Et en plus, cette coiffure, elle est intemporelle. Si vous, madame, vous regardez le magazine de mode, vous verrez que des coiffures comme ça. Il y en a plein. Plein, plein, plein. Donc, bon, on ne peut ne pas aimer, bien sûr. Et bon, c'est vrai que... C'est très titi parisien, en fait, votre coiffure. Pardon ? C'est très titi parisien, en fait. Je sais pas. Non, mais c'est vrai. Par contre, je fais... En ce moment, je représente, puisque vous parlez de la Russie, c'est une demande russe, mais je fais travailler mon pays, la France, parce que je représente, je suis marraine d'un produit, et moi, je suis très bio, d'un produit de beauté, parce qu'un jour, on m'a dit, mais quel est votre secret pour votre peau, alors j'ai écouté, je pense premièrement que c'est génétique, parce que d'abord pas ma maman est du Nord, ma maman est ch'ti, elle est née à Rosendal, elle est très fière de ses racines du Nord, et quand il y a eu la guerre, ma maman était dans le Midi, et je suis née après la guerre, et donc on m'a dit, mais quel est votre secret, alors j'ai dit, bon, je pense que c'est génétique, un capital génétique, je fais bien sûr très attention à ma peau, je ne vais pas de soleil, je ne fume pas, une alimentation, une hygiène de vie. Et on m'a demandé de parrainer un produit, mais qui est fait en Bretagne, mais vraiment bio 100%. J'ai rencontré des personnes qui s'occupent de ça, ils ont souhaité. Donc je dis, voilà, c'est mes conditions, que ce soit bio, qu'il n'y ait pas de parabènes, pas aucun. Et donc je fais travailler mon pays, la France. Vous disiez là, il y a quelques minutes, effectivement, qu'on vous imite beaucoup, de manière plus ou moins bienveillante, avec plus ou moins de bon goût, on a déjà tout vu. Ça vous fait quoi? Ça vous fait... Ah non, non, moi ça j'adore. Ça différente. Non, moi j'ai beaucoup d'humour. Hein. Alors moi, après, je ne suis pas choquée. Moi, je ne suis pas choquée. Oh, ce serait idiot en disant, ah non, c'est pas bien. Non, non, au contraire. Le but, quand on imite, là, c'était des... Là, ce que j'ai vu en Allemagne, c'était une grande chanteuse qui s'appelle Michelle, qui est blonde en plus, et elle était habillée comme moi, coiffée comme moi, et le présentateur disait Mireille Mathieu. Après, il y avait un jury, il donnait les notes. Tandis qu'il y a souvent des imitateurs, mais que, pas physiquement, mais qui m'imitent. Moi, j'ai beaucoup d'humour. Au contraire, c'est que, quand on parle, Sacha Guitry disait, du moment qu'on parle du bien, de vous en mal, c'est bien. Et si on parle de vous-même, c'est qu'on dérange, c'est qu'on ne reste pas indifférent à votre égard, et c'est très bien ainsi. Moi, j'ai beaucoup d'humour, pas du tout. Si c'est très, très méchant, oui, ça peut... Il y a eu l'histoire de Canal+, je pense, qui vous a pas fait... Oui, deux personnes. Il y a deux personnes que j'ai assignées, que je ne citerai pas. Ouais. Ces personnes-là, oui, parce que c'était mensonger. Et ces deux personnes, je les ai assignées, bien sûr. Voilà, je les ai assignées, tout à fait. Il y a toujours une période d'incertitude pour un artiste. Pour vous, c'était aussi... le décès de votre manager, Johnny Stark. Ouais. Comment est-ce que tu te souviens de cette période de trouver un nouveau manager qui est devenu votre... Ma sœur. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas évidemment à la mort de Johnny Stark qui est arrivée brusquement. Et après, j'ai dû faire face à des milliers de choses que Johnny Stark avait signées. Et donc j'ai dû assumer toutes ces choses-là. Et puis je devais régler parce qu'il y avait des personnes, je l'ai raconté dans mon livre, qui m'ont trahi, qui m'ont menti, et que j'ai dû à ce moment-là recommencer à zéro. Parce que j'ai dû assumer des choses énormes. Et je me suis sentie vraiment libre. Et entre-temps, j'avais fait un album espagnol. Donc je suis partie en Espagne pour faire la promo de mon album espagnol qui a été numéro un très très vite. Et puis après je suis revenue, je suis partie en Allemagne, j'ai mené mon bonhomme de chemin. Mais c'est vrai que la mort de Johnny Stark m'a permis de faire un break. J'ai dû faire un break, j'ai dû le faire parce que sa mort a été subite, était un choc pour moi. Et puis j'ai dû assumer beaucoup de choses. C'est aussi un risque d'avoir un manager qui est votre sœur. On voit avec Beyoncé, son père était manager et il y avait un problème au niveau professionnel. Et donc, si on mixe les choses, ouais. ça peut être un risque. Pour moi, non. Pour moi, c'est-à-dire que toute petite, quand j'ai débuté très jeune, j'étais habituée. Nous, on dormait, on habitait d'abord dans des baraquements en fibre ciment. Donc, on était les filles avec les filles, c'est-à-dire que dans un lit, on dormait 5 dans un lit. À côté, les garçons, 5 dans, parce qu'on n'avait pas suffisamment de pièces. Donc, la famille, il y avait deux choses très importantes. La famille et mon métier. Et ce que nous ont inculqué nos parents, c'est le respect et le partage. Donc, je ne sais pas la vie de Beyoncé, mais en ce qui me concerne personnellement, donc nous avons été, toutes jeunes, à apprendre à partager. On aidait notre maman, parce qu'il y avait la venue d'un petit frère ou d'une petite sœur chaque fois, à... il n'y avait pas de lave-vaisselle, pas de lave... Donc, on aidait aussi la maman à faire les commissions ou à porter de l'eau sur le poêle pour pouvoir se laver. Donc, je ne sais pas que... C'est tout à fait différent. Et Johnny Stark, à juste titre, a très bien compris que j'avais besoin de quelqu'un de ma famille. Parce que je me souviens, la première fois que je suis partie enlever de rideau du gaufret, j'ai eu une chambre à moi toute seule. Ce que je n'avais jamais eu. Et je me suis retrouvée dans cette chambre toute seule. Je dormais avec la lumière allumée et je fermais la clé. Et j'avais mis plein de fauteuils parce que j'avais tellement peur. Parce que je n'étais pas habituée. Ce n'était pas une chose que je ne connaissais pas. Donc, pour moi, là, ma sœur Mathilde, je dois beaucoup. Je ne vais pas vous dire que ma sœur Mathilde, en plus, ça a été pour elle. Donc, il a fait venir ma tante pour expliquer immédiatement. Junissa a fait venir une de mes tantes qui, elle, ne connaissait pas du tout ce métier, qui a tout laissé tomber pour venir avec moi et s'occuper de moi. Donc, j'avais besoin de ces liens familiaux. Et quand ma tante est morte, malheureusement, donc, ma sœur Mathilde est venue. Et elle s'occupait de moi, mais elle connaissait pas les affaires qu'il y avait. Mais elle a écouté, elle regardait ce que fait Johnny Stark. Parce que quand Johnny Stark est parti, mais j'ai eu une montagne de choses à résoudre avec mes avocats. Et heureusement que ma sœur avait quand même regardé un peu, parce que c'était terrifiant ce qu'il y avait à résoudre. Terrifiant. Malgré mes avocats. Et parce qu'il y avait des personnes qui étaient de nous, de Johnny Stark, qui étaient du temps de Johnny Stark, qui mentaient, qui volaient et tout. Donc bon, j'ai dû faire face à tout ça. Donc non, moi, avec ma sœur, jamais. Et ma sœur travaille énormément. Ça, c'est vrai que là, je dois dire que là, quand préparer l'Olympia, en même temps, ce triple CD, le voir avec ma maison Sony, je veux dire que je les remercie parce qu'ils sont vraiment super, ils font tout. Vous voyez, c'est un des plus beaux hôtels au monde qui est le Bristol. Tout est organisé pour recevoir tous les journalistes. Là, dans des conditions optimales, télévision, là je parle avec vous, vous avez un salon. À côté, il y a la télévision qui s'installe. Vous voyez, c'est sans cesse ça. Il y a une coordination entre les gens de disques, ma sœur, qui est là pour veiller, pour voir. En même temps, j'ai mon... ainsi qui sort en Allemagne, donc elle veille tout ça en Allemagne aussi, elle voit. C'est vrai que c'est elle, pour elle c'est pire que moi, parce que moi je m'occupe du côté artistique, mais ma sœur elle a le côté administratif et tout, c'est encore beaucoup plus difficile. En préparant l'interview d'aujourd'hui, j'ai croisé, ben, comme tout le monde, des chiffres assez hallucinants, hein, 130 millions d'albums vendus, 50 ou 60 millions de singles du temps où ça existait encore vendus aussi. Est-ce que ces chiffres, ça vous dit quelque chose? Vous vous concentrez vraiment sur l'artistique au point que ces chiffres vous laissent... Mais écoutez, pas indifférent, ça fait plaisir, mais sans plus. C'est-à-dire que bon, l'artistique, quand je chante, je choisis les chansons que j'aime. Et j'espère que ce public va acheter ce triple CD parce que c'est des chansons que j'aime. Il y a des inédits que le public ne connaît pas. Par exemple, il y a des chansons étrangères aussi. Il y a tous les plus grands succès. Et par exemple, Prends le temps... Je l'ai fait à l'étranger, on ne le connaît pas en Belgique, donc quand je vais l'interpréter, ça a beaucoup de succès. En Allemagne, je chante en allemand, mais j'espère que ça plaira, mais ça a beaucoup, beaucoup de succès. Donc, bon, évidemment, mon tour de chant, je vois, je parle artistique, parce que avant tout, il faut chanter les chansons que l'on aime, et c'est son cœur qui parle. Et que, on espère que, comme vos propres émotions, ce que vous allez transmettre, le public va être sensible à ça et acheter, évidemment, ce triple CD. Best of. Justement, vous chantez l'amour depuis 50 ans. Je ne suis jamais lassée. Hein. En 2014, vous ne trouvez pas que les gens manquent un peu d'amour, ils n'ont pas le temps de s'aimer? Dans le cas, surtout en ce moment, vu le contexte actuel dans le monde, qui est la crise, les gens ont besoin, on ne dit jamais assez aux gens que l'on les aime, soit d'amour ou d'amitié, ou de prouver qu'on les aime. C'est important aussi de tendre la main à quelqu'un, de pouvoir aider, de pouvoir participer à des émissions où moi j'ai été plusieurs fois marraine du Téléthon. Et je peux vous dire, moi qui vous parlais de sommeil, je l'ai fait sous toutes les formes. J'ai fait pour le Téléthon, j'étais marraine. J'étais trois fois, j'ai adoré faire le train. C'est-à-dire que je n'ai jamais dormi, moi qui ai besoin de sommeil. On arrivait à la gare, je chantais en direct, les gens, le public venait. Peu importe la somme, c'était important pour le Téléthon. Je l'ai même fait aussi en avion, piloté par les militaires. Moi qui n'ai pas en avion, je peux vous dire que piloter les militaires, ce n'est pas du tout pareil. Hein. Vous décollez comme ça, vous atterrissez comme ça. Donc je l'ai fait vraiment. C'est important, vous avez raison, dans le contexte actuel, de dire... Essayons de nous donner la main. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je suis très catholique. Et que ce soit à l'école ou à l'église ou au catéchisme, on nous apprenait d'essayer de vous donner la main, de vous comprendre. Le mot tolérance est important. De connaître l'autre, de pouvoir aider l'autre. Il y a aussi l'amour d'aimer quelqu'un, mais aussi l'amour d'aimer son prochain. Quand on voit toute cette carrière, tout ce succès, est-ce qu'il y a justement des choses plutôt négatives, des choses que vous ne referiez peut-être plus? Ah, si je referais la même chose. Parce que je me dis, c'est vrai que c'était pas bien. Je pense que toujours une critique est constructive. Parce que je me dis, bon, c'est vrai. Eh bien, on me l'a dit, je ferais pas la même chose. Je referais la même chose. Je ne regrette souvent. Est-ce que vous avez des remords? Pas du tout. Je regrette absolument rien. Mais, par contre, si on dit qu'il y a des critiques, ce n'est jamais négatif. Il y a toujours quelque chose de positif, je trouve, personnellement. C'est-à-dire que vous faites encore attention aujourd'hui, après la carrière que vous avez, à ce qu'on dit de vous? Vous lisez, enfin, pas tout, mais... Non. Alors là, on me le dit. Non, je n'ai même pas le temps. Non, je n'ai même pas le temps. Vous le dites. En plus, c'est vrai que par rapport à... Maintenant, avec Internet, tout passe, vous ne savez même pas. Non. On me le dit, autrement, je ne sais pas. Non. Je n'ai pas le temps de lire les journaux. Si on vous le dit, c'est que vous... On me le dit. Ça vous fait plaisir ou que ça vous intéresse qu'on vous tienne au courant de ce que... Oui, on me tient au courant. On me dira plutôt plus des choses. Les personnes qui m'entourent, dont ma sœur, je connais ma sœur, elle me dira plutôt, c'est pas quelqu'un qui me passera la pommade. Au contraire, je peux vous dire que pas du tout. À la fin de l'année 80, vous avez enregistré avec des membres du groupe ABBA. Oui. À Stockholm. Ah oui, c'était formidable. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais bien sûr, avec plaisir. La personne qui remplaçait le groupe ABBA, qui représentait le groupe ABBA à Paris, quand on était à Johnny Sartre, elle a dit, mais ce serait super que Mireille, quand ils ont chanté de Win It, etc., elle a dit, ce serait super cette chanson en français. Elle a dit, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait la chanter? Il a dit, oui, ce serait génial si le groupe ABBA... Et nous sommes allés à Stockholm, c'est le groupe ABBA lui-même, dans leur propre studio... qui ont enregistré, qui ont fait les batonalités. Les filles ont fait les chœurs. Moi, j'ai fait les chœurs avec les filles. Puis après, j'ai enregistré ma voix. C'était une expérience extraordinaire. J'ai eu le plaisir de revoir Frida à Berlin une année, de l'embrasser, de parler. J'étais vraiment... C'est un groupe extraordinaire. Waterloo, vraiment génial, intemporel... comme ça, on n'en trouve plus. Je veux dire, ils ont une veine musicale extraordinaire. On a vu avec toute la comédie, Mamma Mia. J'en ai parlé en Allemagne parce que j'étais la seule à pouvoir les rencontrer et à travailler avec eux vraiment dans leur studio à Stockholm. Et ça a été un honneur, un plaisir. Et c'était vraiment... voilà, quand on apprend toujours quelque chose, vraiment, de se dire, chanter. Moi, je fais le chœur avec vous, j'étais avec eux. Tu as gagné, j'ai tout. Et quand j'écoute, moi, je reconnais ma voix. C'était vraiment un privilège de pouvoir chanter avec le groupe ABBA, tout à fait. On n'a presque pas parlé d'Edith Piaf. L'importance des chansons d'Edith Piaf dans votre œuvre. C'est-à-dire que quand tout a commencé pour moi, j'ai chanté, n'ayant pas mon propre répertoire au début, quand j'ai fait le jeu de la chance, j'ai interprété des chansons d'elle. J'ai même fait un disque plus tard, un hommage pour la remercier de m'avoir, parce que bon, si j'ai existé aussi, c'est grâce à elle. Et évidemment, quand j'ai fait ce métier professionnellement, évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mon manager, à juste titre, a souhaité qu'on puisse m'habiller sur mesure. Donc, on m'a écrit mon premier disque, mon credo. Francis Lay, c'est ton nom. Je travaillais avec les plus grands, avec Delanoé, avec Maurice Vidalin, avec Eddy Marnay, Claude Lemel et beaucoup d'autres. Les plus grands. Et par contre, je chante des chansons d'elle. J'en chante deux. Mm-hmm. J'interprète deux chansons d'elle sur scène. Autrement, après, c'est mon propre répertoire. Mmh. Pourquoi est-ce que vous prenez encore la chanson des autres? Il y a encore des choses que vous dites, ça, j'aurais pas pu le faire, j'aurais pas pu l'écrire, j'aurais pas pu me l'approprier aussi bien si ça n'avait pas été de moi. Il y a encore des choses chez Piaf ou d'autres où vous dites, oui, là, je vais pas dire vous êtes jalouse, mais pas loin, quoi. Ah non, pas du tout, non. Moi, je crois que je suis jalouse de personne. Je crois que le soleil brille pour tout le monde et que quand j'interprète une chanson, je me l'approprie à moi dans le sens... Ma façon, moi, d'interpréter, toujours on aime ou on n'aime pas, j'ai eu l'opportunité de chanter Ne me quitte pas ou La quête de Monsieur Brel, et j'ai eu l'opportunité de le voir sur scène, pas à l'Olympia, et au théâtre quand il a interprété L'homme de la Manche. Je crois que c'est le seul artiste, c'est lui qui m'a consolée, parce que j'étais devant lui. Et que je pleurais parce que j'avais vu. Quand il chantait, j'avais les frissons. Quand il chante La quête, c'est lui qui m'a consolée. Je ne pouvais même pas parler devant lui. Mon manager a beaucoup travaillé avec lui et l'admirait et le connaissait bien. Et donc on est allé le voir dans sa loge. Et je vous dis, c'est lui qui m'a consolée parce que je pleurais, je ne pouvais pas m'arrêter. Devant tant. On se dit après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Devant lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que bon, c'était quelqu'un qui se donnait tellement, qui était... C'est un géant, évidemment. Je vous remercie infiniment d'être venu. Merci à vous. Venu ici. Je sais que vous êtes déplacé, ça me touche énormément. Je vous remercie. Oui. J'espère que j'aurai le temps de saluer le mannequin Peace. Je sais que quand j'ai débuté, j'avais comme parrain Maurice Chevalier. Et Maurice Chevalier était très fier d'être... qu'on ait le mannequin Peace en chevalier. Maurice et Chevalier m'en avaient parlé, ils étaient très fiers. Et c'est vrai que c'est magnifique. Et de pouvoir acheter les chocolats qui sont dans... J'achète toujours mes chocolats à côté et de voir la fameuse place. Vous savez, à côté, il y a l'Amigo et il y a un chocolatier qui est merveilleux à côté. Ouais. Et la magnifique place. Et de toucher, vous savez, il y a une statue là. C'est chien. Et j'espère que je vais la toucher. Parce que je le fais. Chaque qui porte chance. Ouais, je me souviens de mes débuts, je suis allée maintes fois voir. Et voilà.